Introduction. Quelle époque ai-je choisi pour faire un traité sur le bonheur des individus et des nations? Est-ce au milieu d'une crise dévorante qui atteint toutes les destinées, lorsque la foudre se précipite dans le fond des vallées, comme sur les lieux élevés? Est-ce dans un temps où il suffit de vivre pour être entraîné par le mouvement universel, où, jusqu'au sein même de la tombe, le repos peut être troublé, les morts jugés de nouveau, et leurs urnes populaires tour à tour admises ou rejetées dans le temple où les factions croyaient donner l'immortalité? Oui, c'est dans ce siècle, c'est lorsque l'espoir ou le besoin du bonheur a soulevé la race humaine, c'est dans ce siècle surtout qu'on est conduit à réfléchir profondément sur la nature du bonheur individuel et politique, sur sa route, sur ses bornes, sur les écueils qui séparent d'un tel but. Honte à moi cependant, si durant le cours de deux épouvantables années, si pendant le règne de la terreur en France, j'avais été capable d'un tel travail, si j'avais pu concevoir un plan, prévoir un résultat à l'effroyable mélange de toutes les atrocités humaines. La génération qui nous suivra examinera peut-être aussi la cause et l'influence de ces deux années. Mais nous, les contemporains, les compatriotes des victimes immolées dans ces jours de sang, avons-nous pu conserver alors le don de généraliser les idées, de méditer des abstractions, de nous séparer un moment de nos impressions pour les analyser? Non, aujourd'hui même encore, le raisonnement ne saurait approcher de ce temps incommensurable. Juger ces événements, de quelque nom qu'on les désigne, c'est les faire rentrer dans l'ordre des idées existantes, des idées pour lesquelles il y avait déjà des expressions. À cette affreuse image, tous les mouvements de l'âme se renouvellent, on frissonne, on s'enflamme, on veut combattre, on souhaite de mourir, mais la pensée ne peut se saisir encore d'aucun de ces souvenirs. Les sensations qu'ils font naître absorbent toute autre faculté. C'est donc en écartant cette époque monstrueuse, c'est à l'aide des autres événements principaux de la Révolution de France et de l'histoire de tous les peuples que j'essaierai de réunir des observations impartiales sur les gouvernements, et si ces réflexions me conduisent à l'admission des premiers principes sur lesquels se fonde la Constitution républicaine de France, je demande que même au milieu des fureurs de l'esprit de parti qui déchire la France et par elle le reste du monde, il soit possible de concevoir que l'enthousiasme de quelques idées n'exclut pas le mépris profond pour certains hommes, et que l'espoir de l'avenir se concilie avec l'exécration du passé. Alors même que le cœur est à jamais déchiré par les blessures qu'il a reçues, l'esprit peut encore, après un certain temps, s'élever à des méditations générales. On doit considérer à présent ces grandes questions qui vont décider de la destinée politique de l'homme, dans leur nature même, et non sous le rapport seul des malheurs qui les ont accompagnés. Il faut examiner du moins si ces malheurs sont de l'essence même des institutions qu'on veut établir en France, ou si les effets de la Révolution ne sont pas absolument distincts de ceux de la Constitution. Enfin, on doit se confier assez à l'élévation de son âme, pour ne pas craindre, en examinant des pensées, d'être soupçonné d'indifférence pour les crimes. C'est avec la même indépendance d'esprit que j'ai tâché, dans la première partie de cet ouvrage, de peindre les effets des passions de l'homme sur son bonheur personnel. Je ne sais pourquoi il serait plus difficile d'être impartial dans les questions de politique que dans les questions de morale. Certes, les passions influent autant que les gouvernements sur le sort de la vie, et cependant, dans le silence de la retraite, on discute avec sa raison les sentiments qu'on a soi-même éprouvés. Il me paraît qu'il ne doit pas en coûter plus, pour parler philosophiquement des avantages ou des inconvénients des républiques et des monarchies, que pour analyser avec exactitude l'ambition, l'amour ou telle autre passion qui a décidé de votre existence. Dans les deux parties de cet ouvrage, j'ai également cherché à ne me servir que de ma pensée, à la dégager de toutes les impressions du moment. On verra si j'ai réussi. Les passions, cette force impulsive qui entraîne l'homme indépendamment de sa volonté, voilà le véritable obstacle au bonheur individuel et politique. Sans les passions, les gouvernements seraient une machine aussi simple que tous les leviers dont la force est proportionnée au poids qu'ils doivent soulever, et la destinée de l'homme ne serait composée que d'un juste équilibre entre les désirs et la possibilité de les satisfaire. Je ne considérerai donc la morale et la politique que sous le point de vue des difficultés que les passions leur présentent. Les caractères qui ne sont point passionnés se placent d'eux-mêmes dans la situation qui leur convient le mieux. C'est presque toujours celle que le hasard leur a désignée, ou s'ils y apportent quelque changement, c'est seulement dans ce qui s'offre le plus facilement à leur portée. Laissons-les donc dans leur calme heureux. Ils n'ont pas besoin de nous. Leur bonheur est aussi varié en apparence que les différents lots qu'ils ont reçus de la destinée. Mais la base de ce bonheur est toujours la même. C'est la certitude de n'être jamais ni agité ni dominé par aucun mouvement plus fort que soi. L'existence de ces êtres impassibles est soumise sans doute, comme celle de tous les hommes, aux accidents matériels qui renversent la fortune, détruisent la santé, etc. Mais c'est par des calculs positifs et non par des pensées sensibles ou morales qu'on éloigne ou prévient de semblables peines. Le bonheur des caractères passionnés, au contraire, étant tout à fait dépendant de ce qui se passe au-dedans d'eux, ils sont les seuls qui trouvent quelque soulagement dans les réflexions qu'on peut faire naître dans leur âme. Leur entraînement naturel les exposant au plus cruel malheur, ils ont plus besoin du système qui a pour but unique d'éviter la douleur. Enfin, les caractères passionnés sont les seuls qui, par de certains points de ressemblance, peuvent être tous l'objet des mêmes considérations générales. Les autres vivent un à un, sans analogie comme sans variété. Leur existence est monotone, quoique chacun d'eux ait un but différent. Et il y a autant de nuances que d'individus sans qu'on puisse découvrir une véritable couleur. Si dans le traité sur le bonheur individuel je ne parle que des caractères passionnés, il est encore plus naturel d'analyser les gouvernements sous le rapport de la part qu'ils laissent à l'influence des passions. On peut considérer un individu comme exempt de passions, mais une collection d'hommes est composée d'un nombre certain de caractères de tous les genres, qui donnent un résultat à peu près pareil. Il faut observer que les circonstances les plus dépendantes du hasard sont soumises à un calcul positif quand les chances se multiplient. Dans le canton de Berne, par exemple, on a remarqué que tous les 10 ans, il y avait à peu près la même quantité de divorces. Il y a des villes d'Italie où l'on calcule avec exactitude combien d'assassinats se commettent régulièrement tous les ans. Ainsi, les événements qui tiennent à une multitude de combinaisons diverses ont un retour périodique, une proportion fixe, quand les observations sont le résultat d'un grand nombre de chances. C'est ce qui doit conduire à penser que la science politique peut acquérir un jour une évidence géométrique. La morale, chaque fois qu'elle s'applique à tel homme en particulier, peut se tromper entièrement dans ses suppositions par rapport à lui. L'organisation d'une constitution se fonde toujours sur des données fixes, puisque le grand nombre en tout genre amène des résultats toujours semblables et toujours prévus. Les passions sont la plus grande difficulté des gouvernements. Cette vérité n'a pas besoin d'être développée. On voit aisément que toutes les combinaisons sociales les plus despotiques conviendraient également à des hommes inertes qui seraient contents de rester à la place que le sort leur aurait fixé, et que la théorie démocratique la plus abstraite serait praticable, au milieu d'hommes sages uniquement conduits par leur raison. Le seul problème des constitutions est donc de connaître jusqu'à quel degré on peut exciter ou comprimer les passions, sans compromettre le bonheur public. Avant d'aller plus loin, l'on demanderait peut-être une définition du bonheur. Le bonheur tel qu'on le souhaite et la réunion de tous les contraires. C'est pour les individus l'espoir sans la crainte, l'activité sans l'inquiétude, la gloire sans la calomnie, l'amour sans la constance, l'imagination qui embellirait à nos yeux ce qu'on possède et flétrirait le souvenir de ce qu'on aurait perdu. Enfin, l'inverse de la nature morale, le bien de tous les états, de tous les talents, de tous les plaisirs, séparés du mal qui les accompagne. Le bonheur des nations serait aussi de concilier ensemble la liberté des républiques et le calme des monarchies, l'émulation des talents et le silence des factions, l'esprit militaire au dehors et le respect des lois au dedans. Le bonheur, tel que l'homme le conçoit, c'est ce qui est impossible en tout genre. Et le bonheur tel qu'on peut l'obtenir, le bonheur sur lequel la réflexion et la volonté de l'homme peuvent agir, ne s'acquiert que par l'étude de tous les moyens les plus sûrs pour éviter les grandes peines. C'est à la recherche de ce but que ce livre est destiné. Deux ouvrages doivent se trouver dans un seul. L'un étudie l'homme dans ses rapports avec lui-même, l'autre dans les relations sociales de tous les individus entre eux. Quelque analogie se trouve dans les idées principales de ces deux traités? Parce qu'une nation présente le caractère d'un homme et que la force du gouvernement doit agir sur elle, comme la puissance de la raison d'un individu sur lui-même. Le philosophe veut rendre durable la volonté passagère de la réflexion. L'art social tend à perpétuer l'action de la sagesse. Enfin, ce qui est grand se retrouve dans ce qui est petit, avec la même exactitude de proportion. L'univers tout entier se peint dans chacune de ses parties, et plus il paraît l'œuvre d'une seule idée, plus il inspire d'admiration. Une grande différence, cependant, existe entre le système du bonheur de l'individu et celui du bonheur des nations. C'est que dans le premier, on peut avoir pour but l'indépendance morale la plus parfaite, c'est-à-dire l'asservissement de toutes les passions, chaque homme pouvant tout tenter sur lui-même, mais que dans le second, la liberté politique doit toujours être calculée d'après l'existence positive et indestructible d'une certaine quantité d'êtres passionnés, faisant partie du peuple qui doit être gouverné. La première partie est uniquement consacrée aux réflexions sur la destinée particulière de l'homme. La seconde partie doit traiter du sort constitutionnel des nations. Le premier volume est divisé en trois sections. La première traite successivement de l'influence de chaque passion sur le bonheur de l'homme. La seconde analyse le rapport de quelques affections de l'âme avec la passion ou avec la raison. La troisième offre le tableau des ressources qu'on trouve en soi de celles qui sont indépendantes du sort et surtout de la volonté des autres hommes. Dans la seconde partie, je compte examiner les gouvernements anciens et modernes, sous le rapport de l'influence qu'ils ont laissée, aux passions naturelles, aux hommes réunis en corps politique, et trouver la cause de la naissance, de la durée et de la destruction des gouvernements, dans la part plus ou moins grande qu'ils ont faite aux besoins d'action qui existent dans toute société. Dans la première section de la seconde partie, je traiterai des raisons qui se sont opposées à la durée et surtout au bonheur des gouvernements, où toutes les passions ont été comprimées. Dans la seconde section, je traiterai des raisons qui se sont opposées au bonheur et surtout à la durée des gouvernements, où toutes les passions ont été excitées. Dans la troisième section, je traiterai des raisons qui détournent la plupart des hommes de se borner à l'enceinte des petits États, où la liberté démocratique peut exister, parce que là, les passions ne sont point excitées par aucun but, par aucun théâtre propre à les enflammer. Enfin, je terminerai cet ouvrage par des réflexions sur la nature des constitutions représentatives qui peuvent concilier une partie des avantages regrettés dans les divers gouvernements. Ces deux ouvrages conduisent nécessairement l'un à l'autre, car si l'homme parvenait individuellement à dompter ses passions, le système des gouvernements se simplifierait tellement qu'on pourrait alors adopter, comme praticable, l'indépendance complète dont l'organisation des petits États est susceptible. Mais quand cette théorie métaphysique serait impossible, au moins il est vrai que plus l'on travaille à calmer les sentiments impétueux qui agitent l'homme au-dedans de lui, moins la liberté publique a besoin d'être modifiée. Ce sont toujours les passions qui forcent à sacrifier de l'indépendance pour assurer l'ordre, et tous les moyens qui tendent à rendre l'empire à la raison diminuent le nombre nécessaire des sacrifices de liberté. J'ai à peine commencé la seconde partie politique, dont je ne puis donner une idée par ce peu de mots. En m'en occupant, je vois qu'il faut longtemps pour réunir toutes les connaissances, pour faire toutes les recherches qui doivent servir de base à ce travail. Mais si les accidents de la vie ou les peines du cœur bordaient le cours de ma destinée, je voudrais qu'un autre accomplisse le plan que je me suis proposé. En voici quelques aperçus incomplets qui ne me permettent pas de juger de l'ensemble. Il faudrait d'abord, en analysant les gouvernements anciens et modernes, chercher dans l'histoire des nations ce qui appartient seulement à la nature de la constitution qui les dirigeait. Montesquieu, dans son sublime ouvrage sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, a traité tout ensemble des causes diverses qui ont influé sur le sort de cet empire. Il faudrait apprendre dans son livre et démêler dans l'histoire de tous les autres peuples les événements qui sont la suite immédiate des constitutions, et peut-être trouverait-on que tous les événements dérivent de cette cause. Les nations sont élevées par leur gouvernement, comme les enfants par l'autorité paternelle. Et l'effet du gouvernement n'est pas incertain, comme celui de l'éducation particulière, puisque, comme je l'ai déjà dit, les chances du hasard subsistent par rapport au caractère d'un homme. Tandis que dans la réunion d'un certain nombre, les résultats sont toujours pareils. L'organisation de la puissance publique, qui excite ou comprime l'ambition, rend telle ou telle religion plus ou moins nécessaire, tel ou tel code pénal trop indulgent ou trop sévère, telle étendue de pays dangereuse ou convenable. Enfin, c'est de la manière dont les peuples conçoivent l'ordre social que dépend le destin de la race humaine sous tous les rapports. La plus grande perfectibilité dont elle puisse être susceptible, c'est d'acquérir des idées certaines sur la science politique. Si les nations étaient en paix au dehors et au dedans, les arts, les connaissances, les découvertes en divers genres feraient chaque jour de nouveaux progrès. Et la philosophie ne perdrait pas, en 2 ans de guerre civile, ce qu'elle avait acquis pendant des siècles tranquilles. Après avoir bien établi l'importance première de la nature des constitutions, il faudrait prouver leur influence par l'examen des faits caractéristiques de l'histoire des mœurs, de l'administration, de la littérature, de l'art militaire, de tous les peuples. J'étudierai d'abord les pays, qui dans tous les temps ont été gouvernés despotiquement, et motivant leurs différences apparentes, je montrerai que leur histoire, sous le rapport des causes et des effets, a toujours été parfaitement semblable, et j'expliquerai quel effet doit constamment produire sur les hommes la compression de leur mouvement naturel, par une force au dehors d'eux, et à laquelle leur raison n'a pu donner aucun genre de consentement. Dans l'examen des énergies démagogiques ou militaires, il faut montrer aussi que ces deux causes, qui paraissent opposées, donnent des résultats pareils, parce que dans les deux états, les passions politiques sont également excités parmi les hommes par l'éloignement de toutes les craintes positives et l'activité de toutes les espérances vagues. Dans l'étude de certains États, qui par leurs circonstances encore plus que par leur petitesse, sont dans la possibilité de jouer un grand rôle au dehors et n'offrent point au-dedans de place qui puisse contenter l'ambition et le génie, il faudrait observer comment l'homme tend à l'exercice de ses facultés. Comment il veut agrandir l'espace en proportion de ses forces. Dans les états obscurs, les arts ne font aucun progrès. La littérature ne se perfectionne ni par l'émulation qui excite l'éloquence, ni par la multitude des objets de comparaison, qui seuls donnent une idée fixe du bon goût. Les hommes privés d'occupations fortes se resserrent tous les jours plus dans le cercle des idées domestiques et la pensée, le talent, le génie, tout ce qui semble des dons de la nature ne se développe cependant que par la combinaison des sociétés. Le même nombre d'hommes, divisés, séparés, sans mobile et sans but, n'offre pas un génie supérieur, une arme ardente, un caractère énergique, tandis que dans d'autres pays, parmi les mêmes êtres, plusieurs se seraient élevés au-dessus de la classe commune, si le but avait fait naître l'intérêt, et l'intérêt l'étude, et la recherche des grands moyens et des grandes pensées. Sans s'arrêter longtemps sur les motifs de la préférence que la sagesse conseillerait, peut-être de donner aux États comme aux destinées obscures, il est aisé de prouver que par la nature même des hommes, ils tentent à sortir de cette situation, qu'ils se réunissent pour multiplier les chocs, qu'ils conquèrent pour étendre leur puissance. Enfin, que voulant exciter leurs facultés, reculer en tout genre les bornes de l'esprit humain, ils appellent autour d'eux, d'un commun accord, les circonstances qui secondent ce désir et cette impulsion. Ces diverses réflexions ne pourraient avoir de prix qu'en les appuyant sur des faits, sur une connaissance détaillée de l'histoire, que présentent toujours des considérations nouvelles, quand on l'étudie avec un but déterminé, et que, guidé par l'éternelle ressemblance de l'homme avec l'homme, on recherche une même vérité à travers la diversité des lieux et des siècles. Ces différentes réflexions conduiraient enfin au principal but des débats actuels, à la manière de constituer une grande nation, avec de l'ordre et de la liberté, et de réunir ainsi la splendeur des beaux-arts, des sciences et des lettres, tant vantées dans les monarchies, avec l'indépendance des républiques. Il faudrait créer un gouvernement qui donna de l'émulation au génie, et mit un frein aux passions factueuses, un gouvernement qui put offrir à un grand homme un but digne de lui, et décourager l'ambition de l'usurpateur. Un gouvernement qui présenta, comme je l'ai dit, la seule idée parfaite de bonheur en tout genre, la réunion des contrastes. Autant le moraliste doit rejeter cet espoir, autant le législateur doit tâcher de s'en rapprocher. L'individu qui prétend pour lui-même à ce résultat est un insensé, car le sort qui n'est pas dans sa main déjoue de toutes les manières de telles espérances. Mais les gouvernements tiennent, pour ainsi dire, la place du sort par rapport aux nations. Comme ils agissent sur la masse, leurs effets et leurs moyens sont assurés. Il ne s'ensuit pas qu'il faut croire à la perfection dans l'ordre social. Mais il est utile pour les législateurs de se proposer ce but, de quelque manière qu'ils conçoivent sa route. Dans cet ouvrage, donc, que je ferai ou que je voudrais confier, il faudrait mettre absolument de côté tout ce qui tient à l'esprit de parti ou aux circonstances actuelles, la superstition de la royauté, la juste horreur qu'inspirent les crimes dont nous avons été les témoins, l'enthousiasme même de la République, ce sentiment qui, dans sa pureté, est le plus élevé que l'homme puisse concevoir. Il faudrait examiner les institutions dans leur essence même et convenir qu'il n'existe plus qu'une grande question qui divise encore les penseurs, savoir si dans la combinaison des gouvernements mixtes, il faut ou non admettre l'hérédité. On est d'accord, je pense, sur l'impossibilité du despotisme ou de l'établissement de tout pouvoir qui n'a pas pour but le bonheur de tous. On l'est aussi sans doute sur l'absurdité d'une constitution démagogique qui bouleverserait la société au nom du peuple qui la compose. Mais les uns croient que la garantie de la liberté, le maintien de l'ordre, ne peut subsister qu'à l'aide d'une puissance héréditaire et conservatrice. Les autres reconnaissent de même la vérité du principe, que l'ordre seul, c'est-à-dire l'obéissance à la justice, assure la liberté. Mais ils pensent que ce résultat peut s'obtenir sans un genre d'institution que la nécessité seule peut faire admettre et qui doivent être rejetés par la raison si la raison prouve qu'elles ne servent pas mieux que les idées naturelles au bonheur de la société. C'est sur ces deux questions, il me semble, que tous les esprits devraient s'exercer. Il faut les séparer absolument de ce que nous avons vu, et même de ce que nous voyons, enfin de tout ce qui appartient à la révolution. Car comme on l'a fort bien dit, il faut que cette révolution finisse par leur raisonnement, et il n'y a pas de vaincu que les hommes persuadés. Loin donc de ceux qui ont quelques valeurs personnelles, toutes les dénominations d'esclaves et de factueux, de conspirateurs et d'anarchistes, prodiguées aux simples opinions, les actions doivent être soumises aux lois. Mais l'univers moral appartient à la pensée. Quiconque se sert de cette arme méprise toutes les autres, et l'homme qui l'emploie est par cela seul incapable de s'abaisser à d'autres moyens. Plusieurs ouvrages de très bons auteurs renferme des raisons en faveur de l'hérédité modifiée, ou comme en Angleterre, c'est-à-dire composant deux branches du gouvernement, dont le troisième pouvoir est purement représentatif. Ou comme à Rome, lorsque la puissance politique était divisé entre la démocratie et l'aristocratie, le peuple et le Sénat. Il faudrait donc déduire tous les motifs qui ont fait croire que la balance de ces intérêts opposés pouvait seule donner de la stabilité au gouvernement, que l'homme qui se croit des talents ou se voit de l'autorité, tendant naturellement d'abord aux distinctions personnelles et ensuite aux distinctions héréditaires, il vaut mieux créer légalement ce qu'il conquérera de force. Il faudrait développer, et ses raisons, et beaucoup d'autres encore, exceptant de part et d'autre celles qu'on croit tirer du droit pour ou contre. Car le droit en politique, c'est ce qui conduit le plus sûrement au bonheur général. Mais l'on doit exposer sincèrement tous les moyens de ses adversaires quand on les combat de bonne foi.